La présentation que je vous propose va en fait se situer un peu en complément de celle qui vient de précéder, puisque je ne vous proposerai pas un aperçu complet de la chapelle royale de Louis XIV, ni même un aperçu du règne complet du règne de Louis XIV, même si l'intitulé de mon intervention est très large, les aumôniers Louis XIV. De fait, je vais me limiter à la première partie du règne, donc jusqu'à 1682, quitte à faire un choix iconoclaste en ces murs, puisque 1682 est précisément l'année de l'installation de la cour à Versailles, et mon propos se situera sur la période pré-versaillaise de la cour. Et de même, donc je ne m'intéresserai pas à une étude prosopographique de la chapelle dans sa globalité, mais aux aumôniers, corps que j'ai choisi pour des raisons que je vais expliciter dans le déroulé de mon intervention. Parmi les institutions de cour, la chapelle royale joue un rôle central dans la construction cérémonielle élaborée par Louis XIV et illustre l'ambition de son entreprise. Chargée de l'organisation du culte à la cour, la chapelle se fait ainsi l'écho des événements politiques du royaume. Les guerres sont célébrées par des tédéum, les ambassadeurs sont invités à assister à la messe du roi, les décès de membres de la famille royale, mais aussi de souverains étrangers, donnent lieu à des obsèques solennelles et à des périodes de deuil à la cour. Le caractère sacré du souverain étant le fondement de sa légitimité politique, l'existence d'une structure consacrée au culte, c'est-à-dire à la représentation de la dévotion à la cour, donne une dimension matérielle à la sacralité du roi et rend celui-ci d'autant moins contestable. Il est dès lors primordial de donner à la chapelle royale les moyens de créer des mises en scène grandioses, reflet de la piété du roi très chrétien. Dans ce processus d'élaboration du système de cour qui aboutira à Versailles, pourquoi donc avoir choisi une tranche chronologique aussi précise que la période 1643-1682, qui est donc celle à laquelle je m'intéresse? Tout d'abord parce que cette période marque une transition à plus d'un titre. Période au début en tout cas de la régence d'Anne d'Autriche, qui fait le lien entre le règne de Louis XIII, dominé par la personnalité des différents cardinaux ministres, et suivi ensuite par le règne personnel de Louis XIV, qui marque donc une rupture avec cette pratique des cardinaux ministres. Période de transition également sur le plan politique et diplomatique, si l'on considère notamment la guerre dans laquelle se situe la France au moment où Louis XIV arrive sur le trône, et un système très différent de guerre personnelle qui se mettra en place à partir de son règne personnel, de guerre du précaré, non plus de guerre européenne. Enfin et surtout, période de transition entre l'ancienne cour et la nouvelle, entre un mode de vie itinérant hérité de la Renaissance et la stabilisation de la cour à Versailles, puisque c'est donc à cette date de 1682 que l'on situe officiellement l'installation de la cour en ces lieux. Sur le plan pratique, également de l'étude prosopographique, le fait d'avoir limité mon étude à cette tranche répondait à un souci tout à fait pragmatique, puisque ça m'a permis en fait d'identifier un public extrêmement bien délimité. 38 noms d'aumôniers peuvent être collectés sur cette période, aumôniers uniquement ordinaires, titulaires, dont 20 en fait qui arrivent et quittent leur charge durant cette période. C'est donc sur ces 20 personnes que je vais concentrer mon étude. En considérant qu'en fait il faut envisager ici le règne de Louis XIV avant tout comme la continuité de celui de Louis XIII. Les aumôniers de Louis XIV sont avant tout les aumôniers de Louis XIII. Le changement de roi n'entraîne pas un remaniement politique de la chapelle, ce qui est déjà d'une certaine manière révélateur du rôle politique que jouent ou non les aumôniers du roi. L'idée première de cette intervention était ainsi de dresser une prosopographie au sens strict des aumôniers du roi. L'exemple de ce corps constitue un cas d'école idéal. C'est un corps régulier, aux effectifs constants, dans un cadre global stabilisé et aux contours sociaux extrêmement bien définis. L'objet de ce colloque conduit néanmoins, pour reprendre les mots de Béatrix Saul dans son introduction d'hier matin, à sortir de la simple étude de la composition ecclésiastique de la maison du roi, pour envisager le rôle que ces personnalités ont pu jouer au sein de la cour sur un plan politique. Étant donné le positionnement que les aumôniers occupent, un positionnement intermédiaire entre les grands officiers de la couronne d'une part et la domesticité de base de la maison du roi d'autre part, en quoi ont-ils eu l'opportunité ou en quoi ont-ils saisi l'opportunité de développer des liens particuliers avec le champ politique, voire d'intervenir par eux-mêmes sur ce champ? Donc pour étudier cette question, je reviendrai dans un premier temps sur les structures institutionnelles de la chapelle et sur les effectifs qui la composent, puisque la caractéristique de la chapelle et particulièrement de la chapelle oratoire est sa grande stabilité en termes d'effectifs tout au long des XVIIe et XVIIIe siècles. Monarque de droit divin, le roi de France dispose naturellement d'un personnel consacré à la célébration du culte à la cour. Cette structure est double en France, composée d'une chapelle oratoire et d'une chapelle musique. Cet ensemble connaît une augmentation de ses effectifs au cours du règne, ainsi que la création de nouveaux offices, mais cette croissance touche en fait de manière tout à fait déséquilibrée la chapelle oratoire d'une part et la chapelle musique d'autre part. L'accent est en vérité mis sur la dimension spectaculaire, musicale notamment du culte, et non pas sur l'augmentation d'effectifs strictement ecclésiastiques. Bien que chargé d'un office qui se rejoint, donc la célébration de la messe et du culte, les deux chapelles de la cour relèvent de différentes autorités. Cette répartition des personnels sous différentes hiérarchies souligne la particularité de ces deux corps, ainsi que la complexité de cette coexistence sous un même toit. La chapelle ecclésiastique s'apparente à un service du quotidien, dont les membres sont omniprésents à la cour, assimilés à des domestiques, tandis que la chapelle musique, sans pour autant bénéficier de plus grands honneurs, revêt en général un caractère plus exceptionnel. La chapelle oratoire, donc celle à laquelle appartiennent les aumôniers, dont le recrutement est exclusivement ecclésiastique, constitue ainsi l'un des corps de la maison du roi et apparaît à ce titre sur les rôles d'officiers commensaux du roi, au même titre que les services de la chambre et de la bouche. La chapelle musique, quant à elle, qui était à l'origine également composée uniquement d'ecclésiastiques, tend en fait à se séculariser au cours du XVIIe siècle. Elle appartient au sein de la maison du roi, non pas à la maison, mais à la section des menus plaisirs, qui est en charge de l'organisation des fêtes de cour. Cette différence institutionnelle explique également une grande disparité des sources mises à disposition. Je reviendrai sur ce point un peu plus tard. Cette séparation implique également une différence dans les modes de rétribution, chaque corps dépendant d'une structure de contrôle propre. Cette distinction institutionnelle est en réalité le reflet des attributions de chacun de ces corps. La chapelle oratoire est en charge des dévotions quotidiennes de la cour et célèbre chaque jour la messe du roi, tandis que la chapelle musique célèbre les messes en plein chant, des dimanches et fêtes solennelles, et son intervention revêt de ce fait une dimension un peu plus exceptionnelle ou ponctuelle. Donc la chapelle oratoire, que l'historien Guillaume Dupéra définit comme le clerus palatii, c'est-à-dire bien le clergé de cour au sens propre, est dirigée par le grand aumônier, considéré comme le lointain successeur de l'archichapelain des cours carolingiens. Ce souci d'ancrage, en fait, dans la longue durée, dans la stabilité historique, est vraiment un trait perpétuel dans l'histoire de la chapelle. Je reviendrai notamment dessus, sur ce point en conclusion. Le grand aumônier est secondé par le premier aumônier, charge plus récente quant à elle, puisque créée par François Ier, mais le premier aumônier est lui aussi, revêt aussi la dimension de grand officier de la maison du roi. Il est chargé de remplacer le grand aumônier en son absence, mais également a également ses fonctions propres au cours de l'office, notamment présenter le pain béni au roi et à la reine. Il a des charges spécifiques qu'il ne partage donc pas avec les autres aumôniers. Sur le développement, je ne reviendrai pas sur le premier et le grand aumônier qui, étant des grands officiers, ont donné lieu déjà à des études extrêmement précises. Je pense notamment à une biographie récente de l'abbé Coilin, premier aumônier puis grand aumônier de Louis XIV et évêque d'Orléans. Les aumôniers du roi dits titulaires servent à deux par trimestre. On en compte donc 8 au total par an. Ils se répartissent ensuite les semaines entre eux. Ils sont placés sous l'autorité directe du premier aumônier, mais remplace le grand aumônier lorsque celui-ci est absent dans les fonctions ordinaires, assister aux prières du roi au lever et au coucher, dire les grâces des repas. Ils interviennent également au moment de cérémonies plus ponctuelles, telles les séances de toucher des écrouelles ou les libérations de prisonniers qui accompagnent les premières entrées du roi dans les villes du royaume. Ces aumôniers titulaires touchent 300 livres de gages et embouchent à cour à la table des aumôniers. Si on regarde quelques exemples précis de profils d'aumôniers, 300 livres est souvent décrié comme une pension insuffisante pour permettre de tenir véritablement un train de vie de cour, et c'est ainsi qu'il justifie en général les bénéfices dont le roi peut les pourvoir. Les états de la maison du roi font également mention d'aumôniers sans quartier ni gage, c'est-à-dire des aumôniers dont la charge est strictement honoraire. Les effectifs de ces aumôniers peuvent dépasser la centaine, mais leur titre ne s'accompagne en réalité d'aucune fonction effective, ni d'aucun principe de présence à la cour, du moins pour y remplir des fonctions domestiques. C'est pour ça que ces listes peuvent être des variables d'ajustement extrêmement larges, puisqu'en fait l'inscription d'un aumônier honoraire n'entraîne le paiement d'aucune pension. On peut donc être très généreux dans le choix de ces aumôniers honoraires. Les aumôniers titulaires, ordinaires, servant par quartier, sont assistés de chapelains de l'oratoire et de 8 clercs de chapelle et oratoire, qui servent également par quartier. Si les titres des offices portent la marque d'une distinction entre la chapelle et l'oratoire, on a donc des chapelains de l'oratoire, des aumôniers, point. Cette distinction est en fait la dernière marque d'une pratique disparue sous Louis XIII, selon laquelle le roi entendait la messe quotidienne dans son oratoire privé, ne se rendant dans la chapelle que pour les fêtes solennelles. L'usage introduit par Louis XIII d'entendre la messe quotidienne dans la chapelle aurait donc provoqué la fusion d'un ancien oratoire et d'une ancienne chapelle ecclésiastique. Ces deux corps, de fait, se retrouvent réunis au sein de la chapelle oratoire de manière régulière jusqu'à la fin de l'époque moderne. La chapelle oratoire compte également des prédicateurs du roi, dont le nombre est très variable. À ces prédicateurs ordinaires s'ajoutent les prédicateurs extérieurs à la cour, auxquels on fait appel notamment pour prêcher durant le carême et l'avent. Louis XIV crée également le titre de prédicateur ordinaire du roi, dont le père Bourdaloue, par exemple, sera parmi les premiers titulaires. Le confesseur du roi appartient également à la chapelle oratoire, mais ne remplit pas de fonction en tant que tel au cours de la cérémonie cultuelle. Enfin, la chapelle royale compte deux éléments ou deux personnes à caractère non ecclésiastique qui sont en charge du soin du matériel cultuel, les ornements de l'autel, les carreaux, les chaises, les prie-dieu. Les sommets de la chapelle sont donc particulièrement nécessaires en raison des déplacements incessants de la cour. Ils sont en quelque sorte les logisticiens de la structure, responsables des coffres ainsi que de nettoyage des vêtements de cérémonie, de la mise en place des tentures et tapisseries dans les lieux où se rend la cour. Enfin, à ces structures strictement attachées à la personne du roi s'ajoutent un confesseur et un prédicateur du commun chargés des soins spirituels à apporter aux officiers de la maison du roi. Ils peuvent également, notamment, conférer les sacrements par délégation du grand aumônier. Les aumôniers ou chapelains de la maison du roi, dits aumôniers de Saint-Roch, célèbrent la messe des officiers. Ils apparaissent sur les rôles déposés à la cour des aides au même titre que les charges citées précédemment, mais Guillaume Duperat conteste leur appartenance à la chapelle royale, puisque ce sont véritablement des personnes qui interviennent auprès des officiers du roi et non de la famille royale. Quelques innovations sont apportées par Louis XIV dans la chapelle oratoire. L'augmentation du nombre d'aumôniers de Saint-Roch, en premier lieu. De nouvelles charges sont également créées. Un office de maître des cérémonies ecclésiastiques est créé en 1570, mais rapidement contesté par le grand maître de l'ordre du Saint-Esprit, ainsi que par les officiers responsables jusqu'alors du déroulement des cérémonies de cour. La charge finit donc par disparaître en 1182. Un sacristain de la chapelle, garde des ornements de la chapelle et oratoire du roi, est enfin créé en 1181. Je ne m'attarderai pas avec autant de détails sur la chapelle musique, puisque ce n'est pas le propos aujourd'hui, mais l'idée générale en une phrase, c'est qu'en fait, cette chapelle connaît une croissance absolument exponentielle tout au long de la période, ce qui marque bien la grande distinction entre l'attention qui est portée à un corps ecclésiastique extrêmement stabilisé, qui n'est pas contesté, mais qui remplit après tout des fonctions quotidiennes qui ne sont pas amenées à croître grandement, tandis que la dimension cérémonielle du culte prend une charge ou prend une dimension de plus en plus importante, ce qui justifie un accroissement vraiment remarquable des effectifs au XVIIe siècle, en termes à la fois de chant, voire également de musique. Après ce premier tableau strictement institutionnel, l'archiviste que je suis ne résiste pas à la tentation d'un point rapide sur les sources à notre disposition pour écrire une histoire prosopographique de la chapelle. Comme je l'ai déjà évoqué, la distinction institutionnelle entre chapelle oratoire et chapelle musique a pour conséquence une production d'archives très distinctes. Les documents relatifs à la chapelle musique, qui émanent donc des menus plaisirs, se constituent principalement de documents d'ordre financier. Il s'agit des livres de comptes, registres de recettes, dépenses ordinaires et extraordinaires, ou recueils annuels des ordonnances de comptant par lesquelles les gardes du trésor versaient aux trésoriers des menus plaisirs les sommes destinées à payer salaires et achats. Ces recueils permettent donc d'avoir une vision précise de l'activité et des dépenses liées à la chapelle, mais ne donnent pas un aperçu de la composition de la chapelle musique en tant que telle. Une étude systématique pourrait donc sembler plus aisée en ce qui concerne le personnel strictement ecclésiastique de la chapelle oratoire, voire également le personnel de la domesticité royale en général, grâce aux états annuels remis à la cour des aides afin de contrôler les dépenses de la maison du roi. Suite à divers épisodes d'une histoire archivistique très mouvementée sur laquelle je ne reviendrai pas, nous disposons en fait aujourd'hui de recueils quasi continus qui permettent une étude nominative du personnel ecclésiastique de la chapelle depuis le XVIe siècle. Les listes de la chapelle oratoire, ainsi déposées à la cour des aides pour un contrôle comptable et financier, sont produites sous la responsabilité du grand aumônier. Les archives de la grande aumônerie étant elles-mêmes inexistantes pour le XVIIe siècle, ce n'est pas de ce côté-là qu'on pourra trouver un complément ou des informations sur la constitution, sur le recrutement par exemple des aumôniers de la chapelle. C'est donc sur une base strictement nominative que je propose de commencer mon étude. Sont également à prendre en compte, en plus de ces listes comptables, les états imprimés qui se multiplient dès la fin des années 1140. Des états imprimés qui sont en fait un peu l'équivalent des bottins administratifs que connaît l'administration contemporaine. et qui sont le reflet, sinon d'un intérêt du public pour l'administration du royaume, du moins peut-être d'une volonté de transparence de la part de cette administration. Ces documents, destinés donc à une diffusion très large, puisqu'imprimés, gagnent peu à peu en rigueur tout au long de la période, mais restent cependant à manier avec précaution, puisque les délais d'impression font qu'ils sont en général en réalité en décalage avec, par exemple, l'année exacte d'une nomination. On va avoir un décalage entre l'arrivée d'un nouvel aumônier et la date à laquelle il va être nommé dans les états imprimés. Mais surtout, j'insiste sur cette source imprimée, parce que la forme définitive de ces états va être fixée tout au long de la période par Nicolas Besogne, qui prend en main leur publication dans les années 1160. Or, Nicolas Besogne, ainsi que son neveu après lui, apparaît comme aumônier honoraire et clerc de la chapelle du roi. L'intérêt que les membres de la chapelle peuvent porter en fait à leur structure institutionnelle, aux documents qui peuvent exister et qui décrivent leur fonctionnement, est un point sur lequel je reviendrai plus bas, mais qui est déjà révélateur peut-être d'une prise de conscience de l'appartenance à un corps, voire à la domesticité générale du roi. Une dernière remarque enfin pour souligner la critique que ces listes nominatives doivent néanmoins appeler, malgré toute la rigueur dont leur constitution est le reflet, c'est que dans les minutes notariales notamment, apparaissent souvent des personnes qui se font appeler aumôniers ordinaires du roi, enfin qui utilisent des titres sans que leur nom se retrouve en vérité dans les listes nominatives. Cette remarque appellerait certainement une étude un peu plus générale sur l'utilisation qui est faite des titres de la domesticité royale. C'est le reflet en tout cas du prestige, qui s'attache à ces charges, puisque des personnes se revendiquent d'une certaine appartenance à la maison du roi sans que pour autant les sources confirment cette appartenance. Donc concrètement, après avoir dressé cet état des sources, que nous apprennent les listes des personnels sur les pratiques de recrutement et sur les phénomènes de carrière qui peuvent exister, tout d'abord de manière large, à l'intérieur de la chapelle. Sur le plan des recrutements et des renouvellements, une remarque première, c'est que les cas de cumul de charges semblent rares, alors que c'est quelque chose qu'on aurait pu décrier, en particulier pour le milieu ecclésiastique. On remarque quelques figures exceptionnelles de personnes qui, au sein de la chapelle, vont cumuler des fonctions de chapelain ordinaire, de chapelain par quartier, de prédicateur, de clerc de chapelle, mais ce sont des cas extrêmement ponctuels et qui ne peuvent être généralisés. La pratique, en revanche, du passage par différentes charges successives est beaucoup plus fréquente. Elle estimerait, sur un total de 400 charges occupées sur cette période 1638-1682, donc sur 400 personnes, elle concernerait une vingtaine de personnes. Le profil le plus fréquent étant celui de clerc de chapelle, devenu chapelain de l'oratoire. Mais on trouve également des variantes à ce profil, par exemple des clercs devenus aumôniers de Saint-Roch ou des aumôniers de Saint-Roch devenus chapelains par quartier, ce qui impliquait peut-être une promotion sur le plan honorifique, mais en revanche une diminution sur le plan des gages. De même qu'on note peu de cumul, on note également peu de survivance, peu de phénomènes de survivance au sein de la chapelle. Une quinzaine de survivanciers uniquement sont déclarés dans les listes, pour la plupart neveux du titulaire précédent. La succession effective est de plus n'est pas systématique. Par exemple, quelqu'un qui peut apparaître pendant des années comme survivancier, de fait, ne prendra pas la suite du titulaire précédent. Enfin, des combinaisons entre ces différents parcours sont possibles. On note, par exemple, des cas de cumul de charges qui s'ajoutent à des cas de survivance. Il résulte de ces phénomènes de cumul que pour un total de plus de 400 charges occupées, on dénombre sur la période une moyenne de 380 personnes qui ont effectivement servi à la chapelle. Donc cette différence est relativement faible, ce qui indique bien que la chapelle est peu concernée, notamment par la pratique des cumuls. Comme il était impossible de prétendre dresser une biographie pour chacune des personnes mentionnées dans les listes de la chapelle, aumônier, clerc, chapelain, etc., en considérant que seuls les aumôniers, parce qu'ils occupent la charge la plus importante, ont pu donner lieu à la production de sources complémentaires détaillées, donc c'est sur ces critères que j'ai choisi de centrer mon étude sur les aumôniers. Un corps donc extrêmement stabilisé, constitué d'un vivier suffisamment prestigieux, a priori, donc pour proposer des sources complémentaires intéressantes. On compte un peu plus ou une petite quarantaine d'aumôniers servant par quartier sur notre période. Il ne s'agit donc pas d'un office supérieur de la chapelle, au même titre que le premier ou le grand aumônier, et cette charge, en général, ne suffit pas à elle seule à lancer une carrière ecclésiastique, mais elle en constitue un jalon non négligeable, étant entendu de toute manière que seuls les membres de la noblesse peuvent prétendre intégrer ce corps. Le caractère prestigieux des charges de la chapelle royale est particulièrement décelable dans le cas d'aumôniers bénéficiant d'un puissant réseau familial. Le fait qu'ils aient jugé intéressant de passer par la chapelle royale au titre d'aumônier prouve bien que cet office revêt une dimension tout à fait respectable. Je pense par exemple à l'aumônier Jacques Lavocat, qui était beau-frère du ministre d'État Arnaud de Pomponne. Les abbayes que les aumôniers détiennent en bénéfice avant même d'entrer à la chapelle témoignent également de l'antériorité de leur fortune. Ce n'est pas la chapelle en tant que telle qui permet à un aumônier de monter en grade dans la société, si je parle trivialement. Respectant un schéma classique, en bien des points comparables au parcours de la plupart des évêques, les aumôniers sont le plus souvent fils ou frères de membres de la noblesse de robe. Ils sont donc issus systématiquement de la noblesse, sont souvent liés aux représentants d'une autorité militaire, notamment à des lieutenants généraux de province. Un seul contre-exemple à ce cas, c'est l'abbé Talmant, qui seul, sur la période, semble issu d'un milieu roturier, mais précisément sa génération marque l'entrée de la famille dans la noblesse, sa sœur accédant notamment au titre de marquise. Malgré ses liens étroits avec les autorités militaires et politiques, donc des liens strictement familiaux, privés, personnels, et malgré également les opportunités que pourrait leur offrir leur présence régulière à la cour, les aumôniers dans leur globalité ne sortent pas ou ne semblent pas sortir de leur carrière ecclésiastique. Un seul contre-exemple est de taille, André Hercule de Fleury, qui au début du XVIIIe siècle jouera le rôle que l'on sait, notamment sous le règne de Louis XV. Dans la mesure où l'appartenance à la chapelle est une position privilégiée, par les liens forts qu'elle permet avec les plus hauts prélats de la cour, la grande rareté du phénomène de survivance est également à souligner, en particulier chez les aumôniers. On ne compte qu'un seul survivancier parmi la quarantaine d'aumôniers de notre période, et c'est un cas précisément de survivance qui n'est pas devenu effectif au moment où le titulaire précédent a quitté sa charge. On remarque également que les effectifs ne comptent pas d'exemples d'aumôniers issus d'autres charges de la chapelle. Donc on n'a pas de phénomène de progression interne, on n'a pas de chapelain devenu aumônier par exemple. Les aumôniers ne semblent pas plus concernés par le cumul des charges à l'intérieur de la chapelle, ce qui suit la même logique, avec un seul contre-exemple, l'évêque Louis-Alphonse Valbel, nommé aumônier de quartier. Il vend sa charge dans les années 1170, il quitte donc sa charge pour devenir évêque d'Alais, mais il revient ensuite au sein de la chapelle royale pour être nommé maître de l'oratoire du roi. Donc on voit que c'est pour accéder à une charge particulièrement prestigieuse, c'est le seul cas de figure où on comprenne qu'un aumônier en quelque sorte revienne sur ses pas au sein de la chapelle. Après ces premiers éléments chiffrés, quel profil et quel parcours type pourrait se dessiner pour les aumôniers du roi ? Si les charges de grand aumônier et de premier aumônier ne sont pas vénales, celles d'aumônier le sont bien, comme toutes les charges d'office domestique. Tandis que le grand aumônier et le premier aumônier sont nommés par lettre patente du roi, les autres officiers sont présentés au roi, puis nommés par lettre de retenue ou par lettre de provision suivie de brevet de retenue, selon un schéma tout à fait classique pour le renouvellement des charges de la domesticité royale. Mais en réalité, la principale de transmission ne se situe pas à ce moment de régularisation administrative, mais en amont de ces procédures, au moment de la vente de la charge proprement dite, qui se fait par contrat passé devant notaire. Je n'ai pas, malheureusement, pour la période qui m'intéresse, retrouvé de contrats passés pour les aumôniers de cette période, mais quelques exemples indiquent qu'il s'agit de contrats de vente passés en des termes, en réalité tout à fait communs à ce qu'on pourrait trouver dans les contrats de vente d'une terre ou d'un bien matériel. On n'a pas de distinction particulière liée au fait qu'il s'agit d'une charge. Les prix, en revanche, peuvent varier grandement en fonction de la nature exacte de la charge. Une charge d'aumônier ordinaire de madame se monnaie ainsi 14 000 livres en 1661, tandis que 5 ans plus tard, François Boutillier, qui est tout de même fils du secrétaire d'État Léon Boutillier, aurait lui-même payé sa charge d'aumônier du roi 90 000 livres auprès de François Talmant. L'information est intéressante car elle est donnée par Gédéon Talmant des Réaux, donc frère du vendeur, dans ses historiettes. On peut préciser en passant que la famille Talmant est issue d'une lignée de banquiers rochelais, donc peut-être des prédispositions particulières pour les négociations, ce qui expliquerait le prix exceptionnel de 90 000 livres. Un autre exemple, en 1669, Louis-Alphonse Valbel achète sa charge d'aumônier 54 000 livres. Il la revend 8 ans plus tard, 75 000 livres. Comment expliquer cette ce prix extrêmement croissant, peut-être d'une part par le quartier de la charge, selon le moment de l'année auquel on se situe, les charges peuvent être négociées de manière plus ou moins intéressante. Une évolution également qui peut s'expliquer par la fluctuation de la livre, et également par le jeu des négociations et l'habileté ou la volonté de l'acheteur d'acheter à tout prix. Une fois la charge acquise, elle reste en moyenne entre 10 et 15 ans entre les mains de son détenteur. Ainsi, sur les 20 aumôniers donc, sur lesquels j'ai centré mon étude, 8 sont restés moins de 10 ans à la chapelle, 7 entre 10 et 20 ans et 4 au-delà de 20 ans. Le parcours le plus classique serait donc le suivant. Un cadet de la noblesse de robe, fils et frère de conseiller en parlement, voire de secrétaire d'État, est nommé aumônier du roi entre 24 et 28 ans. Il y restera en général jusqu'à ses 35 ans, moment auquel un évêché lui est donné. Tel est le parcours suivi par de nombreux exemples d'aumôniers, par exemple Charles Legout de la Berchère, issu d'une famille parlementaire de Grenoble, aumônier à 25 ans, charge qu'il quitte 6 ans plus tard pour prendre l'évêché de Lavaure. De même, François Boutillier, donc, que j'ai déjà cité, fils du secrétaire d'État Léon Boutillier, devient aumônier à 25 ans, quitte cette fonction à 33 ans, peu avant de prendre l'évêché de Troyes. Encore un autre exemple, Jean de Maupoux, frère de René de Maupoux, conseiller au Parlement, aumônier du roi durant 13 ans, prend ensuite l'évêché de Châlons. Le processus est le même lorsqu'il s'agit de récupérer un évêché qui était déjà entre les mains de sa famille, par exemple Léonore de Matignon, fils du gouverneur de Basse-Normandie, aumônier du roi depuis ses 27 ans, quitte sa charge à 39 ans pour prendre la suite de son oncle comme évêque de Lisieux. Ainsi que l'évoque l'abbé Chuprel, et ceci confirme bien un caractère d'exemplarité des aumôniers nommés à la chapelle du roi, l'attribution d'un évêché entraîne automatiquement le départ de la chapelle, de manière à ce que le nouvel évêque respecte le principe de résidence attaché à l'épiscopat. Donc on n'a pas d'aumônier évêque. C'est forcément une succession chronologique. On quitte d'abord sa charge d'aumônier avant de pouvoir devenir évêque. Tous les aumôniers ne deviennent cependant pas évêques. Sur la vingtaine étudiée ici, la moitié très exactement prend une autre orientation. Quelques exemples de ces orientations, puisque tous les parcours sont possibles. François Talmont, que j'ai déjà cité, aumônier du roi de manière extrêmement longue, puisqu'il reste 23 ans inscrit sur les listes, puis premier aumônier de madame, s'inscrit clairement dans une logique de carrière à la cour, doublée d'une présence continue à Paris, puisqu'il siège à l'Académie française depuis 1651. Ce n'est pas quelqu'un qui, dans son parcours, avait une carrière épiscopale à envisager. D'autres font le choix, subi ou assumé, la question se pose, de parcours plus modestes. Ainsi, René Bonneau, aumônier durant 17 ans, n'aura-t-il que l'abbaye de Saint-Martin d'Autun. Claude Fiot, aumônier durant 19 ans, donc encore une fois des périodes relativement importantes par rapport à la moyenne. Donc Claude Fiot ne s'illustrera que comme abbé de Saint-Étienne de Dijon. Peut-être un réseau familial moins puissant explique-t-il une carrière ecclésiastique moins brillante pour des personnalités que les histoires de leurs établissements respectifs ne manquent pas cependant de décrire comme des modèles de piété. Bon, ça c'est un petit peu le passage obligé. De toute façon, tous les aumôniers qui sont passés par la chapelle, une fois qu'ils sont devenus évêques, sont absolument exemplaires, ils participent à la refondation de leurs établissements, à la réforme, etc. Après donc ces points ecclésiastiques et pour ces points chiffrés pardon et pour se rattacher vraiment au propos du colloque, qu'en est-il du rôle politique joué par les aumôniers du roi? Quelle place faut-il faire aux politiques? Les cas d'aumôniers devenus évêques en particulier semblent dresser le portrait de personnalités remarquables par leur piété plus que par leur ambition politique. Quelques très rares exemples se dessinent certes. Par exemple, Étienne Le Camus, aumônier de 21 à 36 ans, qui avait connu quelques moments d'exil après la Fronde pour ses liens avec le milieu anti-Mazarin. Une fois rappelé par Colbert, il devient évêque de Grenoble en 1671 et sert notamment d'intermédiaire entre Rome et Versailles dans l'affaire de la Régale, ce qui lui vaudra son accession au cardinalat. Par la suite, il ne dissimule pas son opposition à la révocation de l'édit de Nantes, sans que ce positionnement prenne pour autant une valeur d'engagement public. D'autres aumôniers amorcent des carrières politiques. Eustache Leclerc de Lesseville, aumônier de 1638 à 1643, est ensuite, durant 14 ans, conseiller au Parlement. À l'issue de cette période, il prend l'évêché de Coutances, où il ne se démarque plus que par ses actions épiscopales. Ces quelques exemples amèneraient donc à la conclusion suivante. Si un aumônier se prête au jeu de la politique, il s'agit nécessairement d'un phénomène strictement individuel, voire personnel. Ce n'est d'ailleurs pas durant leur temps de présence à la cour, mais bien durant les périodes qui ont succédé à cette présence à la cour, que ces deux personnalités donc citées précédemment sont intervenues sur le champ politique, sans que leur passage à la chapelle ait a priori favorisé ou facilité ces dispositions politiques. Ce constat, rejoint ainsi les conclusions de Benoît Pierre dans son article consacré au prélat de cour au XVIIe siècle. En majorité, les aumôniers du roi se distinguent par la force de leur piété et le mérite de leur action pastorale, ou au sein des établissements dont ils peuvent être bénéficiaires, sans prétendre à quelque rôle politique que ce soit. Si je reviens sur l'exemple de l'abbé Coilin, premier aumônier, sa biographie dit qu'il était en fait plus attaché à résider dans son évêché d'Orléans qu'à être présent à la cour, malgré sa charge de premier puis de grand aumônier. À supposer que les aumôniers développent des prétentions politiques, le fait d'être passé par la chapelle ne jouera donc aucune influence sur la suite de leur parcours. Il est également révélateur que sur les 20 prélats étudiés en détail, un seul est accédé ou a été élevé au rang de cardinal. Ainsi, si les liens familiaux des aumôniers pouvaient les rattacher à des intérêts politiques, par leur rattachement donc à des liens parlementaires en particulier, de fait, ils semblent éloignés de ces préoccupations. Ce qui semble également s'imposer par la réalité de leur mission, puisqu'ils ne sont en réalité présents à la cour qu'un maximum de 3 mois par an. Dans ces circonstances, on peut difficilement envisager que le fait d'être aumônier du roi soit véritablement ou offre des possibilités de créer des accointances avec le milieu de la cour. On considère qu'une fois les 3 mois de service terminés, chacun retourne dans ses bénéfices ou dans sa résidence habituelle. Néanmoins, les aumôniers du roi, s'ils ne jouent pas un rôle politique actif ou clairement visible, ne sont pas pour autant dénués de personnalité, voire de personnalité politique. Leur présence à la cour et surtout leur appartenance à la chapelle peuvent tout à fait favoriser un phénomène de prise de conscience que j'évoquais déjà en introduction, qui ne se traduirait cependant pas nécessairement en termes de prise de position politique, mais se manifesterait par une participation à la construction de l'ordre royal qui tend à s'affirmer au XVIIe siècle. Le rôle de Nicolas Besogne, donc déjà cité, dans la rédaction des États imprimés de la France, est un premier exemple de la participation active de personnalités issues de la chapelle à l'édification d'outils de mise en scène de l'administration royale. L'autre exemple de ce phénomène touche les historiens de la chapelle des XVIIe et XVIIIe siècles. Les membres de la chapelle prennent en effet la plume eux-mêmes pour écrire l'histoire de leur institution. J'ai déjà cité Guillaume Dupérat, aumônier de Henri IV et de Louis XIII, qui ne se retire de sa charge que pour se consacrer à la rédaction de ses antiquités et recherches de la chapelle du roi de France. On peut également penser à l'abbé Chuprel, chantre de la chapelle musique, qui poursuit au XVIIIe siècle l'œuvre de Dupérat, ou encore l'abbé Archon, qui publie au XVIIIe siècle une autre histoire de la chapelle royale après y avoir servi lui-même. Donc, si on peut noter, par exemple, que les aumôniers ne participent pas aux grandes querelles juridiques qui peuvent se développer à la fin du XVIIe siècle autour de la personnalité et les questions de prééminence de la chapelle royale, ils participent néanmoins d'une certaine mise en ordre de l'institution de par leurs écrits. Guillaume Dupérat incarnerait ainsi l'archétype du fidèle serviteur du roi à travers son action autour de la chapelle royale. Après y avoir servi durant 15 ans, il consacre les dernières années de sa vie à rédiger sa synthèse historique, en réalité sur commande du roi plus que par sa propre initiative, du moins d'après ce qu'il en écrit en introduction de son ouvrage. « J'aurais perdu l'envie, » il s'adresse à Louis XIII, « j'aurais perdu l'envie de parachever ce que j'avais commencé, si par un commandement express de reprendre le même dessein, le feu roi, père de votre majesté, n'eût échauffé mon courage languissant et fait revivre en mon âme le désir d'en venir à bout, lorsque sa majesté à Saint-Germain-en-Laye me permit de résigner mon office, ne pouvant plus supporter les fatigues de la cour à cause de mon indisposition. » Ce qui est intéressant dans ce discours, c'est qu'on retrouve en fait une image un peu obligée des propos ou des écrits des prélats qui, lorsqu'ils arrivent au terme de leur carrière et notamment lorsqu'ils veulent préparer la place pour un successeur désigné d'avance, écrivent au roi qu'ils souhaitent se retirer du monde pour des raisons de santé ou pour se recentrer sur leur fin de vie. Donc là, Guillaume Dupérat, qui n'a jamais été évêque, adopte un discours tout à fait similaire au discours classique de l'évêque arrivé en fin de carrière. Au final, donc, en terminant sur ce point des historiens de la cour, c'est peut-être en cela que les domestiques ecclésiastiques de la monarchie peuvent jouer leur plus grand rôle politique, en s'intégrant dans une construction institutionnelle dont ils sont les premiers acteurs et dont certains se font donc même les historiens. Ils apportent en réalité la meilleure preuve de la pleine réalisation de la volonté royale. Je vous remercie.